واش مامولا مامولا سلا جحس لقا J'suis dans la tête, mamma mia, que galère. J'ai tellement voyagé que j'ai plus de place dans mon passeport. Y'a la guardia, j'suis les wesh, j'passe les rapports. J'suis dans la Ventador, j'vais te faire rêver, mi amor. Elle aime les ballons, sushi, chapalon. Elle aime les galons, les mecs qui ont le bras long. Elle aime les ballons, sushi, chapalon. En bolidal, moi j'te chibrant même en flamand. Ma moula, comment c'est, comment va? Piste de Felaga, j'fais de la moulaga. Un verre de vodka dans le Valhalla. J'suis dans le Valhalla, j'fais la malalala. Tu veux hesser l'algi, faut que tu ralasses. 50% avant pour qu'on se déplace. Faut que tu ralasses, faut que tu ralasses. Puis de pétrole comme Dallas. Le conteneur vient de Mexico. Survête l'Atlético. J'sais que ça te plaît, Tico. On a des millions d'éco. Ouais, des millions d'éco. Je sais que ça te plaît, Tika. Laisse tomber ton vélo. J'le dis de façon amicale. J'suis dans la tête, mamma mia, que galère. J'ai tellement voyagé que j'ai plus de place dans mon passeport. Y'a la guardia, j'suis les wesh, j'passe les rapports. J'suis dans la Ventador, j'vais te faire rêver, mi amor. Elle aime les ballons, sushi, chapalon. Elle aime les patrons, ceux qui ont le bras long. Elle aime les ballons, sushi, chapalon. En bolide allemand, j'te charmerai même en flamand. Au fond du bar, recommande à boire. Pour la moulaga et tard le soir, dans la saison 3. La Sinaloa au fond de la tête, posée dans le local. Des sommes colossales et pour le reste, j'suis à Marrakech, dans l'anonymat. Elle aime bien les ballons, elle veut des nouveaux talons. C'est violet, billet ultraviolet. C'est violet, billet ultraviolet. J'suis dans la tête, mamma mia, que galère. J'ai tellement voyagé que j'ai plus de place dans mon passeport. Y'a la guardia, j'suis les wesh, j'passe les rapports. J'suis dans la Ventador, j'vais te faire rêver, mi amor. Elle aime les ballons, sushi, chapalon. Elle aime les patrons, ceux qui ont le bras long. Elle aime les ballons, sushi, chapalon. En bolide allemand, j'te charmerai même en flamand. J'suis dans la tête, mamma mia, que galère. J'ai tellement voyagé que j'ai plus de place dans mon passeport. Y'a la guardia, j'suis les wesh, j'passe les rapports. J'suis dans la Ventador, j'vais te faire rêver, mi amor. Elle aime les ballons, sushi, chapalon. Elle aime les patrons, ceux qui ont le bras long. Elle aime les ballons, sushi, chapalon. En bolide allemand, j'te charmerai même en flamand.